La porteuse de pain. Livre audio gratuit, un roman de Xavier de Montépin. Lecture par Amina Groubis pour le compte de l'Audiocité. Sous licence creative.commons.